L'association de patronage des enfants de Corée livre différentes activités pour l'amélioration de la santé et de la nutrition des enfants. Elle accorde plus d'intérêt surtout à la collaboration et aux échanges techniques pour le traitement de la cardiopathie congénitale enfantine causée par les troubles de la circulation sanguine avec les formations sociales de divers pays. À l'aide de l'Alliance mondiale de l'immunisation et de la vaccination, elle normalise la campagne pour abaisser le taux d'omission des enfants dans la vaccination. Elle a élargi la capacité de la clinique pour enfants de Sungyo, installée et gérée par elle, et s'efforce de perfectionner le procédé de production des aliments nutritifs pour enfants dans divers endroits. Elle a mis sur pied les salles de vulgarisation des connaissances sur la santé des enfants dans divers endroits, y compris l'arrondissement de Tongdaewon de la ville de Pyongyang. Elle procède à leur gestion efficace. À présent, elle donne la priorité à la collaboration large avec des institutions internationales et des organisations philanthropiques pour assurer tout ce qui est nécessaire à la santé et à la vie des enfants du nord de la province du Hamgyong du Nord frappés de l'inondation.